La vie est belle sur Arc-en-Ciel. Eh bien voilà, il est très exactement, j'ai pas d'heure, c'est magnifique. Il est très exactement 13h. Michel avec vous jusqu'à 15h30. Comme chaque dimanche et provisoirement, pendant la période de virus. Je vous souhaite à tous et à toutes un bon après-midi à l'écoute d'Arc-en-Ciel, bien sûr, et ce sera, deviné, ce sera forcément de l'accordéon. Des régions et accordéon classique musette. Voilà, Erika s'est arrêtée en cours de route, c'est pas grave, on va écouter un passodoble par Jérôme Jean-Antoine de Marseille à Séville. Continue toujours avec le même, avec Jérôme Jean-Antoine, la princesse du Musette, une valse. sûr, vous pouvez m'appeler au 02 38 43 48 00, le standard est ouvert. Jérôme Jean-Antoine La Boca. On continue maintenant avec Bernard Delfijas et ça s'appelle Chanson pour l'accordéoniste. Il faut bien changer de temps en autre. Bernard Delfijas a obtenu le grand prix Jean Séguerel, le premier prix Jean Séguerel, avec cette chanson, ce morceau d'accordéon. Sur cette terre, sans souvenir et parmi nous, ce soir dans mon cœur solitaire, j'entends son rire à travers vous. Et avec son accordéon, porte un message, un cri d'amour. chanson pour accordéoniste. Portée jusqu'au ciel en musique. Et même si elle est un peu triste, elle joue dans nos cœurs nostalgiques. Sur la piste, tout en douceur, danse à présent. Et avec l'accordéoniste, redonne en cœur, retour au chant. Dans tes yeux qui m'ont tout appris, brille l'amour du bon vieux temps. Cet accordéon, c'est la vie. Joue au bain de nos 20 ans. Chanson pour l'accordéoniste. Portée jusqu'au ciel en musique. Et même si elle est un peu triste, elle joue dans nos cœurs nostalgiques. Est triste, il a rejoint le troubadour. Sur scène, deux accordéonistes jouent en silence et pour toujours. Dans mon cœur, un peu de soleil, j'entends leur rire à travers vous. L'un à Paris, l'autre à Chaumet. Ce soir au rendez-vous. Chanson pour accordéoniste. Portée jusqu'au ciel en musique. Et même si elle est un peu triste, elle joue dans nos cœurs nostalgiques. Chanson pour vous les troubadours. Dans nos cœurs il y a Eh bien, on va écouter maintenant Jean Privat, son orchestre, Jean Privat, un des grands de l'accordéon, et ce sera Morena de Mikoplas. Pour commencer, bien entendu. Petite gueule d'amour, t'es à croquer. Quand tu passes en tricot, en déhanche, d'un clin d'œil, le quartier est dragué. C'est bien toi, la reine de la place blanche. Fais-nous danser, Julie Larousse, toi dont les baisers font oublier. Dans tes baisers, Julie Larousse, on peut t'embrasser le monde entier. De Radio Arc-en-Ciel, Michel avec vous jusqu'à 15h30, horaire un peu spécial, mais c'est comme ça. Et je rappelle qu'on se retrouve de toute façon demain, de 14h à 16h, pour l'émission Cocktail Coloré. Bon après-midi. Morceau célèbre, ça s'appelle Sa préférée. Et c'est toujours... C'est toujours Jean Privat. On continue avec Joe Privat et ce sera cette fois-ci Adios Pampa Mia. Les feux de camp disparaissent. le ciel se voile et chaque étoile est un regret que je laisse. Adieu. Continuer avec cette fois-ci, ce sera Bernard Delfijas qu'on a écouté tout à l'heure et Dansons sur les monnaies. Les horaires donc provisoires, bien entendu en fonction de la situation sanitaire, des émissions d'accordéon le dimanche de 13h à 15h30 et le lundi avec les chansons de je me rappelle plus, ça y est, de 14h à 16h, de 14h à 16h le lundi, voilà. Et on va continuer avec Serge Louis et Freddy Laveau. Et il nous interprète, on reste dans les monnaies, il nous interprète de Paris aux monnaies. Bon, alors de Paris au monde d'hier, j'ai pas de son. Je vais au monde d'hier pour applaudir les champions de notre Paris Corrèze. À Chomeil, tous nous irons. Je vais au monde d'hier sur un air d'accordéon, où mon cœur est en fête et ma tête en chanson. Sur toutes les routes et par tous les temps, on les voit qui roulent le nez dans le vent. La secrète légère et l'œil aux aguets sont tendant les roues pour pas se faire larguer. La poussée merveille de la grande bataille et le plus sportif court en éventail. Tout le monde enchanté de cette belle journée s'en va saucissonner. Je vais au monde d'hier pour applaudir les champions de notre Paris Corrèze. À Chomeil, tous nous irons. Je vais au monde d'hier sur un air d'accord. Un morceau très célèbre d'accordéon, c'est Coplas, et c'est interprété ici par Jean Privat.

voiture. Y a des gens qui sont pressés sur la route pour casser la croûte ou bien boire un petit café. Je connais l'endroit qu'il te faut. Rendez-vous aux trois cardinaux. Je connais l'endroit qu'il te faut. Rendez-vous aux trois cardinaux. Symphonie. Symphonie d'un jour qui chante toujours dans mon cœur lourd. Symphonie d'un soir de printemps, c'est toi que j'entends depuis longtemps. Ont gardé leur parfum. Je revois des souvenirs défunts. Symphonie, symphonie. Fermé dans la nuit, tout comme autrefois, il traîne parfois un peu de toi. De métro entouré de bistrots, Bigade, grand magasins, ateliers de rapins, restaurants pour Upin, Pigalle. Là, c'est le chanteur des carrefours qui fredonne le succès du jour. Ici, l'athlète en maillot qui soulève les poids de 100 kilos. Hôtel meublé, discrètement éclairé, où l'on ne fait que passer Pigalle. Et vers minuit, un refrain qui s'enfuit d'une boîte de nuit Pigalle. On y croise des visages curieux ou sensationnels. On y parle des langages plus connus à la tour de Babel. Et combien le crépuscule, c'est le grand marché d'amour. C'est le coin où déambulent ceux qui prennent la nuit pour le jour. Girls et mannequins, gitanos et balins qui lisent dans les mains Pigalle. Chauffeurs camelots, tenanciers de bistrot, trafiquants de coco Pigalle. Petite femme qui vous sourit en disant tu viens, chérie. Et Prosper qui dans un coin discrètement surveille son gringuin. Un petit jet d'eau, une station de métro entourée de bistrot Pigalle. Et vers minuit, un refrain qui s'enfuit d'une boîte de nuit Pigalle. Station de métro, entourée de bistrots, Pigalle. Ça crie, ça gueule, les gens diront ce qu'ils veulent, mais au monde, y'a qu'un seul Pigalle. toujours l'amour. Après les misères, les souffrances, laissons aller le temps qui court et continuons notre romance. Même si parfois la vie résonne de cris de haine, je reste sourd. Il restera toujours. Il restera toujours l'amour. Puis Jean Séguerel, 2001. Bernard Delfilas. Je vous ai oublié quelques minutes, mais j'étais occupé au téléphone, je crois, avec un auditeur charmant. D'ailleurs, ils sont tous charmants et charmanteux. Nos cœurs se retrouvent en silence, fragiles feux de ton épaule. Tout en repart pour un tour. Je murmurerai du bâtiment. Il restera toujours l'amour. Un chant d'oiseau en plein cœur du printemps. Tout est si beau comme les yeux d'un enfant. Bonheur fragile, reste encore un instant. Sois pas pressé, lutte contre le temps. Il nous éloigne inexorablement. C'est comme qui dirait s'approcher dans le vent. Mais près de moi, tes yeux s'ouvrent tout grands. Quand tu as peur de cette vie qui fout le camp, il restera toujours l'amour. Après les misères, les souffrances, laissons aller le temps qui court et continuons notre romance. Même si parfois la vie résonne de cris de haine, je reste sourd. Dieu est là et si l'on pardonne, toujours l'amour, malgré nos guerres et nos absences, sans jamais crier au secours, nos cœurs se retrouvent en silence, fragiles creux de ton épaule, tout en repart pour un tour, je murmurerai du bâtiment fort, il restera toujours l'amour. Je serai là un jour si tu as froid. Garde du corps autour d'un feu de joie. Notre bonheur nous suivra pour longtemps. Il sera fort, se souviendra du temps où tu m'as dit je porte ton enfant. Oui, de l'amour le plus grand. Il nous dira dans un mois, dans un an, ce que je te promets jusqu'à la fin du temps. Il restera toujours l'amour. Et je commence par une... Je continue avec une dédicace. C'est de la part de Christiane de Saint-Jean-d'Arvel pour Monique et Philippe de Vinci. Et c'est également pour l'animateur. Merci Christiane et à bientôt, j'espère. On va écouter... Ah oui, c'est un souvenir. Souvenir personnel d'abord. Je l'ai connu quand même pendant plus de 50 ans. C'est notre ami Jean-Désiré Bailly. Et ce sera évidemment un morceau de chasse. Et ça s'appelle « Au bal des chasseurs ». Alors auparavant, j'allais oublier, auparavant, j'ai des publicités à passer. Il n'y en a pas pour longtemps. On y va. Arc-en-ciel, la radio 100% différente. 100% différente. Pour votre plaisir. Right. C'est le temps des idées, c'est le temps des envies. Avec l'entreprise DCM de Castro, vous avez l'assurance de la parfaite réalisation de vos projets. Décorations, peintures et sols, revêtements muraux, ravalements, traitements de toiture. Choisissez DCM de Castro, le professionnel fort de 30 années d'expérience dans notre région. DCM de Castro, 39 rue de Vaucouleurs à Orléans. Téléphone 02 38 66 61 35. DCM de Castro, le bon choix pour réaliser ses rêves. Pam, pam. On est où,

Signaler une petite erreur, c'était pour le plaisir personnel de Monique et non pas Monique et Philippe. Mais c'est pas grave. Vaut mieux en mettre plus que moins. C'est si bon de partir n'importe où. Bras dessus, bras dessous. En chantant des chansons, si bon, si bon, c'est si bon, oh, c'est si bon, de se dire des mots doux, c'est si bon, des petits rien du tout, oh, c'est si bon, mais qui en disent long, si bon, si bon, en voyant notre mine. Dans la rue, nos envies. C'est si bon de guetter dans ses yeux un espoir merveilleux qui donne le frisson. Sensation, ça vaut mieux qu'un million. Tellement, tellement, c'est bon. Si bon, si bon, si qu'elle a pour séduire sans parler de ce que je ne peux pas dire. C'est si bon quand je la tiens dans mes bras. C'est si bon de me dire que tout ça, c'est à moi pour de bon. Cherchez pas la raison, C'est parce que c'est si bon. Si bon, si bon. C'est parce que c'est si bon. Si bon. C'est parce que c'est trop bon. C'est si bon, Serge Lavaux et Freddy Lavaux, pardon, et Serge Louis. Et cette fois-ci, Serge Berry, les provinces de France. Nous sommes ensemble jusqu'à 15h30. Eh bien voilà, je suis là, vous inquiétez pas, je suis pas parti. On va écouter un autre morceau célèbre de Jean-Désiré Bailly. Et vous avez deviné, bien sûr, ce sera Damien Poyard. Et il va nous interpréter ma symphonie. Dans quelques secondes. Marie a réalisé non. Que sa navigation. Alors c'est pas tout à fait ça. On va laisser passer la publicité. Alors la publicité se termine. On écoute donc ma symphonie. Eh bien, on continue avec cette fois-ci Serge Berry. Et Serge Berry va nous interpréter Rose d'Alsace. C'est de la part d'une valse, de la part de Paulette de Fleury-les-Aubrais. Pour une autre Paulette, celle-ci de Chevilly. en lui souhaitant un bon après-midi. Et c'est également de la part de l'animateur, pour Jean, qui se reconnaîtra, pour Jean et son épouse de Saran, à qui je souhaite également un bon après-midi. Voici donc Serge Berry. 14h passées de 34 minutes à la pendule de Radio Arc-en-Ciel. Nous sommes ensemble jusqu'à 15h30. Et on va continuer par avec les compagnons du Musette qui vont nous interpréter ce doux baiser. Et ce doux baiser, c'est de la part de d'Anne-Marie de la Source pour l'animateur. Merci, quelle joie, quel plaisir. Et c'est de ma part pour Anne-Marie. C'est réciproque. On y va pour le baiser. En principe, ça devrait démarrer. Je dis bien en principe. We'll be right back. et pour toujours, sera grave et pour toujours. Et on retrouve maintenant, on l'a encore pas trouvé d'ailleurs, les copains de la Brenne. Et ça s'appelle le Passo des Ventres Jaunes. Je rappelle, pour ceux qui ne connaissent pas, les Ventres Jaunes, ce sont les ventres des Solognaux. Alors, l'histoire dit, et je pense qu'elle est vraie, qu'il y a eu une invasion asiatique de jaunes, donc, si j'ose dire. Je sais pas comme ça qu'on les appelle, c'est pas correct, mais ça veut dire ce que ça veut dire. Et puis il y a eu des croisements, puis voilà, on arrive aux Ventres Jaunes. Voici donc le Passo des Ventres Jaunes, les Compagnons de la Brenne. Pour ceux qui sont venus un jour, j'avais fait un thé dansant à pas de la radio en dessous des studios avec les copains de la Brenne à l'époque. pas en Espagne. Olé ! Eh bien, après olé des copains de la Brenne, on écloute des bourrées corréziennes par, bien sûr, quelqu'un qui est très connu, qui était très connu malheureusement. Il est disparu, Jean Séguerel. Ah, faut s'y habituer au nouveau matériel. Hein. Ça, c'est Paris et c'est Jean Rossi. Non, c'est même pas. C'est Jean Vessade. On écoutera les bourrées corrosiennes ensuite. Avec tes rengaines d'il y a 50 ans. Maintenant, nous n'en sommes plus à la bourrée. On danse la samba, paname. C'est comme si tu voulais remplacer une traction avant par un âne. Eh bien, d'un te chautakir. T'es au vivo. Venez, j'aime pas que tu comptes une histoire. Oh, avec toutes les histoires que tu peux me raconter. Eh bien, tu vas au compter l'histoire de l'âge des Caïfa. Figure-toi que tu le tiens. Le Caïfa, au d'un âge. Quand il y avait l'audit pour cette attraction derrière, ou d'avant, comme tu dis, tant bien. Ah oui. Voyez, tout le monde dit châti, un chounage, le califat, devant la voiture. Un devant, qu'on marchait pas tant que quoi. Un tour en montant, quand là j'arrivais à Charlot, et qu'il y avait le chaume de la vengette, commençait à déjà la rouria, et de lever le coup. Je boutais des bramas que tout le village en tremblait. La roi d'Adèle se retournait en fumable. On y a dit que tout se débouillait. Une heure et bonjour la plage de Ventegucci. Une fois j'ai très quoi le tour de la vitesse. T'es un rigueur qui t'attraction arrière ou avant, tu l'aurais pas rigueur. Eh ben, où est-ce que tu fais une bourrée comme moi, je fais ta chambre, va. Thank you. reste dans les bourrées avec les compagnons de musette, la bourrée Cabouin. Cabouin. C'est de la part de Mamie Geneviève pour l'animateur. On va écouter les copains de la Brenne. Je ne vous donne pas le titre, vous allez comprendre. Et puis on va remercier beaucoup Mamie Geneviève en lui souhaitant un bon après-midi à l'écoute d'Arc-en-Ciel, car je sais qu'elle écoute. Voici donc les copains de la Brenne. Roule mon pigeon, la cour au jardin, qui dépisse en lit pour tous mes lapins. Quand je vais au marché, à roule les poulets. Quand je rentre du bistrot, à roule des poivrons. Et quand je vais au bal qu'on a fait la fête, bah, à roule la marinette. J'ai coupé un rein dans le petit bouet pour en fabriquer ma petite perouette. J'ai coupé un rein dans le petit bouet pour fabriquer ma perouette en bouet. Elle est pas solide, et c'est pour couer. Je roule de tout avec ma perouette. Et puis si jamais un roule pendoué, je m'accapure dans ma perouette en bouet. C'était par, je sais plus. Ma berouette en bois. Ça devait être les compagnons. Non, c'est les copains de la Brenne, peut-être. Je vérifie, parce que je ne veux pas dire de bêtises. Ma berouette en bois, c'était les copains de la Brenne. On va écouter Francis Guillon. Francis Guillon qui va nous interpréter maintenant. On change complètement. Mexico. On a chanté les parisiennes, leurs petits nez et leurs chapeaux. On a chanté les madrilènes qui vont aux arènes pour le torero. On prétend que les norvégiennes viennent du nord dans le sang chaud. Et bien que les américaines soient les souveraines d'un monde nouveau, on nous au ciel de Mexico, on devient fou au son des rythmes tropicaux. Le seul désir qui vous entraîne dès qu'on a quitté le bateau, c'est de goûter une semaine l'aventure mexicaine au soleil de Mexico. Mexico, aventure mexicaine sous le soleil de Mexico. Ça dure à peine une semaine, mais quelle semaine et quel crescendo. Le premier soir on se promène, on danse un tendre boléro. Puis le deuxième on se déchaîne, plus rien ne nous freine, on part au galop, on nous au ciel de Mexico, on devient fou au son vous avez un jour la peine de pouvoir prendre le bateau, aller goûter une semaine l'aventure mexicaine au soleil de Mexico. Mexico, Mexico, Mexico. Tout sucre, tout miel, elle est comme ça la musique. Comme ça la musique. Sur Arc-en-Ciel. Et on continue l'accordéon avec les copains de la Brenne et la petite Berrichonne. Elle est belle, elle est charmante, elle est douce, elle est souriante. C'est un petit brin d'amour, notre petite Berrichonne. Tous les hommes sont fous d'elle, ses beaux yeux les ensorcellent. Elle prend des airs de madame quand on lui demande son téléphone. Elle a un site internet, la petite midinette, où l'on peut y découvrir toutes les coutumes du Berry. Elle ne porte plus de biode, pas de châle sur les épaules, c'est une fille à la mode. Elle s'est fait tatouer une bielle dans le bas du dos, la belle. Allez, tourne la manivelle. Dans son petit village de Brenne, ses voisines sont jalouses car elle sait tondre la pelouse. Elle passe des journées heureuses dans les bras de sa tondeuse. Ses copains la trouvent pas drôle car elle joue très bien au football. C'est une vraie garçon manqué et elle joue même au tiercé. Elle voudrait tenir boutique où il n'y aurait que des gagnants. Mais le soir, la demoiselle est bien fatiguée de la veille et n'a plus du tout la force. Écoutez, un enregistrement rare, pas le titre parce qu'il n'est pas souvent sur les ondes de radio arc-en-ciel, mais c'est l'étoile des troubadours par Roger Si, qui malheureusement commençait déjà à décliner sérieusement puisqu'il faisait semblant de jouer. Et c'est interprété par sa petite fille Emmanuelle. L'étoile des troubadours. Si tu passes par la Corrèze, prends le chemin du bonheur. Tu longeras les falaises, tu en prendras dans ton cœur. Que la nature y est belle, car elle a donné le jour à une étoile célèbre, l'étoile des troubadours. Dans un petit coin de bruyère, une étoile est née pour toujours. C'est l'étoile des bonnédières, c'est l'étoile des troubadours. Cette étoile brillera sur la terre tant qu'il y aura des jours. Une étoile dans la bruyère, c'est l'étoile des troubadours. Une étoile est née pour toujours. C'est l'étoile des monédières, c'est l'étoile des troubadours. Cette étoile brillera sur la terre tant qu'il y aura des jours. Une étoile dans la bruyère, c'est l'étoile des troubadours. La la la. Méritait bien un applaudissement. On continue avec les copains de la Brenne et ce sera le brise-pied de la Marie Huyette. Le brise-pied de la, je ne sais pas, oui, Marie Huyette, c'est bien ça. Je ne plaisante pas. S'était fait des couettes pour aller au bal et aller danser. Mais elle a tendu que c'est dans une berouette qu'à la fin du bal on l'a ramenée. Et pas le sucre, car tout de suite je l'ai pas cru. C'est après que je l'ai cru quand on m'a dit ça tout cru. Si j'avais pas cru, y'en a d'autres qui l'auraient cru. Car c'est plein de le sucre qu'on y avait mais qu'on tout cru. Tonton Léonard se prenait la tête. Voir un tel tableau donne des idées noires. On l'a décoré, on a fait la fête. Plus rigolo au club du chat noir. Et toi le sucre, car tout de suite je l'ai pas cru. C'est après que je l'ai cru, quand on m'a dit ça tout cru. Si j'avais pas cru, y'en a d'autres qui l'auraient cru. Car c'est plein de le sucre, qu'on y avait mais qu'on tout cru. La femme de tonton peint à Valentine, pour se maquiller, dépenser son argent. Elle a décidé pour faire son lifting, d'apprendre le métier de peintre en bâtiment. Thank you. se finit l'histoire. Une histoire de fou qu'on a inventée. Ne la gardez pas en votre mémoire, même si on vous jure de dire la vérité. Et toi le sucre, car tout de suite je l'ai pas cru. C'est après que je l'ai cru, quand on m'a dit ça tout cru. Si j'avais pas cru, y'en a d'autres qui l'auraient cru. Car c'est plein de le sucre, qu'on y avait mais qu'on tout cru. Eh bien, on jette un coup d'œil, on jette un coup d'œil à la pendule. Silence, silence. Il est 15h passé de 12 minutes. On a encore presque 20 minutes ensemble, 18 minutes. Et on se retrouve demain de 14h à 16h pour Cocktail Coloré. Cocktail Coloré, chanson et bien sûr, et bien évidemment, accordéon. On écoute maintenant Claudie Musette. Claudie Musette va nous interpréter pour commencer Carillon d'Auvergne. Voici donc Claudie Musette. Arc-en-ciel 96.2. La FM en couleur. Jamais quitté mon si bon pays d'Auvergne, dont la rose bruyère et les grands châtaigniers bercent mon rêve enchanté. Sonnez, sonnez, cloches joyeuses, chantez ma verte campagne. Torrents fougueux, cordes ombreux, sentiers fleuris des montagnes, carillonnez. Chantez ma belle campagne, torrents fougueux, cordes ombreux, sentiers fleuris des montagnes, carillonnez les littorales, faites venir les danseurs. Eh bien voilà, c'était donc Claudie Musette. Et on va écouter maintenant les copains de la Brenne et ce sera le grand chêne. Arc-en-ciel, c'est du soleil, soleil. Plein les oreilles, plein les oreilles, plein les oreilles. Moi je me promène, sous un grand chêne, sous un grand chêne, sous un grand chêne, sous un grand chêne. Je fais coucou aux petits oiseaux, les petits oiseaux me font coucou. Je fais coucou aux petits oiseaux, les petits oiseaux me font coucou. Moi je me promène, moi je me promène, moi je me promène, moi je me promène sous un grand chêne, sous un grand chêne, sous un grand chêne, sous un grand chêne. Je fais coucou aux écureuils, les écureuils me font coucou. Je fais coucou aux écureuils, les écureuils me font coucou. Moi je me promène, moi je me promène, moi je me promène sous un grand chêne, sous un grand chêne, sous un grand chêne, sous un grand chêne. Je fais coucou aux musiciens, les musiciens me font coucou. Je fais coucou aux musiciens, les musiciens me font coucou. Coucou, je fais coucou aux musiciens, les musiciens me font coucou. Coucou, coucou, coucou, coucou, coucou, coucou. La valse auvergnate, Damien Poyard.